بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الكلام كما قالوا في المثل، الحديث ذو شجون شعبه واسعة، ولكن المناسبة قيد، والمناسبة رمضان، فلا يجمل بمتحدثين أن يتحدث وإن خبط في أودية الكلام ما شاء، ألا يخبط في واد هو رمضان. والكلام في رمضان أيضا متشعب، لكن أحسب أن من أحسن ما يمكن أن يتذاكر فيه هو آية كلنا يقرأها ويرددها ويحفظها، ولكن لسنا جميعا ندرك بعض ما فيها مما طلب منا إدراكه. وهذه الآية هي قول ربنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. J'ai dit que les sujets à propos desquels on peut parler sont innombrables, mais nous avons un proverbe, c'est une règle, qui dit que la circonstance rétrécit le choix. Et bien sûr, la circonstance est Ramadan, donc il serait judicieux qu'il faut qu'on parle. Quoi que nous parlions de quoi, de tout, il faut quand même qu'on parle un peu de Ramadan. Parce que parler de en ce qui concerne Ramadan, ce qui peut être dit à propos de Ramadan, c'est interminable. Même si les textes sont dans un nombre limité, mais ce qu'on peut faire émerger de sens de ces textes limités et lui illimité. Et donc, j'ai besoin de parler français. Ceux qui ne comprennent pas l'arabe. Il y a un verset dans le Coran que à peu près tout le monde connaît, tout le monde a appris par cœur, tout le monde répète, parce que c'est un verset qui est court et un verset qui est de circonstance. C'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum siyam, ô ceux qui ont cru, le jeûne a été écrit sur vous, comme il a été écrit sur ceux qui ont été avant vous. La'allakum tattaqun. Je suis curieux de savoir comment vous traduisez la'allakum. Afin que. Elle dit afin que. C'est quoi en français afin que? Je suis en français. Je ne suis pas en train de demander quelque chose d'allemand. Yeah. Pardon ? Afin que, non, mais c'est quoi ? C'est la conséquence ? C'est quoi ? C'est la... Hein ? Le but. Le but. Vous savez ce que la'alla, ce la'alla, on l'appelle en arabe taraji. C'est un pronom de taraji. Taraji, ce n'est pas le but. C'est l'espérance. C'est l'espérance. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas la cause. Ce n'est pas la circonstance. C'est l'espérance. Vous savez, la traduction, c'est une chose sérieuse. C'est une chose très, très, très sérieuse. Et malheureusement, elle n'est pas prise au sérieux. Elle n'est pas prise au sérieux. alors qu'elle devrait l'être. Pourquoi? Vous savez, quand on traduit de n'importe quelle langue vers n'importe quelle autre langue, il faut que la personne qui traduise soit, je ne sais pas comment décrire cela, mais il faut qu'elle ait une parfaite connaissance de la langue de laquelle elle traduit et de la langue vers laquelle elle traduit. Ça, quand on parle de n'importe quelle langue. À plus forte raison, quand on parle d'arabe. Vous savez, l'arabe, je ne dirais pas ça parce que je suis moi-même arabe, mais je pense avoir un tout petit peu étudié l'arabe, le français, un tout petit peu, pour que je me permette de dire ce que je vais vous dire. L'arabe est une langue tellement riche, tellement grande, tellement compliquée dans sa simplicité, simple dans sa complication, qu'il faut que celui qui traduise soit Victor Hugo en arabe, c'est le Jahir. Et que ce Victor Hugo est la même, vous connaissez Victor Hugo, sa force en français, et ben il faut qu'il ait une force similaire en arabe pour qu'il dise que c'est difficile de traduire. Quand il aura ce degré de connaissance, il dira c'est difficile de traduire de l'arabe. Alors imaginez maintenant quand celui qui traduit n'a pas les très loin de ce que je vais vous décrire. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous me dites vous ne comprenez pas l'arabe, jamais vous ne comprendrez le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que vous compreniez. Jamais. Pourquoi? Parce que celui qui traduit, il est toujours en dessous de l'arabe. Quand bien même ce serait Victor Hugo qui traduit, il est toujours en dessous. Pourquoi? Parce que l'arabe, vous savez, l'arabe, c'est beaucoup de mots. Beaucoup, beaucoup de mots. Combien est-ce qu'il y a de mots en français? La langue française. Hein? 40 000 mots. En radical. D'accord. En arabe, on ne compte pas. 40 millions. Je vais donner un petit exemple. Combien est-ce que vous pourrez me donner de synonymes pour la pierre? On dit pierre, on dit caillou, on dit quoi encore? Hein? Roche, c'est un caillou en gros. On dit quoi encore? Rocher, quoi encore? Ah, c'est moi qui dis les quatre. Hein? Combien encore? Hein? Un galet? Quoi encore? Un galet, c'est un genre de pierre. Mais mettons, un galet, d'accord, quoi encore? On commence à peiner là maintenant pour en trouver. Vous savez combien est-ce qu'on a de mots pour la pierre en arabe? Une cinquantaine. Combien est-ce que vous avez de noms pour le lion en français? Un seul. Disons un lion, un fauve. Hein? Quoi encore? Hein? Pardon? Vous savez combien est-ce qu'on a de mots pour le lion en arabe? 90. Et c'est toujours le nom propre. C'est toujours, nous sommes toujours dans le style propre. 90. Quelqu'un pourrait me poser la question, qu'est-ce qu'on en a à voir pourquoi? Pourquoi cette... Pourquoi avoir 90 mots pour dire la même chose? Quand on peut dire la même chose avec un seul mot, et puis c'est plus simple. Lion. Vous savez, ça c'est la première erreur que les gens font. Ce n'est pas pour dire la même chose. C'est le lion. Mais dans chaque mot, vous trouvez une nuance que vous ne trouvez pas dans d'autres. Par exemple, pour voir là, pour voir maintenant vous, vous dites voir, regarder, percevoir, apercevoir, etc. Nous en arabe, on dit par exemple, on dit... Nadara, lamaha. Lamaha, c'est voir avec le coin de l'œil. Vous n'avez pas le mot en français pour dire ça. Voir avec le coin de l'œil. Vous êtes obligé de dire une phrase pour traduire un mot en arabe. Ramaka, c'est regarder d'une manière furtive, hein, etc. Ça, c'est pour... Là, nous sommes maintenant dans les mots. Maintenant, quand vous formez des phrases, c'est une autre histoire. Et là, c'est toujours dans le style propre. Maintenant, quand vous mettez dans le style figuré, vous ne comptez plus. C'est des millions de manières de dire les choses. Et ce n'est pas toujours exactement la même chose de tous les côtés. Il y a toujours une nuance. Celui qui ne comprend pas ces nuances en arabe ne peut pas les traduire en français. Et puis le Coran, c'est le summum de l'arabe. C'est ce qui a été... On ne peut plus arabe que le Coran, plus élevé dans l'arabe que le Coran. C'est pour ça que j'ai dit que la traduction est une chose sérieuse, surtout quand on traduit du Coran et quand on traduit la Sunna. Alors soit vous essayez de former des gens, Victor Hugo en arabe, en français, Jahed en arabe, dans la même carcasse physique, ben sinon apprenez l'arabe. Mais être toujours dépendant de gens qui traduisent d'une manière mauvaise une chose qui doit être traduite de la façon la plus éloquente qui soit, vous ne vous faites pas du bien à vous-même. Le verset. Alors, afin que vous soyez parmi les pieux, les muttaqin. Ya ayyuha alladhina amanu, hadha nida. Ya harfu nida. Wa kullu ma yaji'u ba'da harfi nida yusamma munada. والمنادى في القرآن أنواع. القرآن ينادي أحيانا فئات من الناس وينادي أحيانا أشخاصا من الناس. الفئات أحيانا القرآن ينادي الكفار، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. أحيانا ينادي الناس الكفار وغيرهم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أحيانا ينادي طائفة من الناس وهم المؤمنون فقط، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أحيانا ينادي طائفة أخرى وهم قوم كانوا مؤمنين، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. أحيانا ينادي أشخاصا بأعينهم، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. هذه الآية فيها هذا النداء، يا أيها الذين آمنوا، هي ليست لأحد. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنما هو أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. وهنا نعم، أمر أمرنا به، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. Alors je dis que le verset, الله سبحانه وتعالى dit: Ô ceux qui ont cru. Les « oh » ça c'est une interjection, c'est un appel. L'appel dans le Coran, il est diversifié. Il est un appel à des groupes de gens, un appel à des gens précis. Et puis ce groupe de gens parfois aux mécréants. « Ya ayyuha alladhina kafaru » oh, ceux qui ont... Qu'est-ce fait le tarjimouna kafaru? Hein? Mais cru. Ceux qui ont caché. Caché quoi? Pardon? Là, caché, oui, mais pas la vérité. Ceux qui ont mécru, ne vous excusez pas aujourd'hui. Ya ayyuhalladhina kafaru la ta'tadhiru al-yawm. Ou un autre groupe de gens, aux croyants. Ya ayyuhalladhina amanu qu'au anfusakum wa ahlikum nara. Oh, ceux qui ont cru, protégez-vous ainsi que vos siens d'un feu nara. Puis vous voyez, quand le Coran dit naran, un feu, c'est indéfini. C'est pas le feu, c'est pas l'enfer, c'est un feu. Pourquoi un feu alors que nous savons pertinemment c'est quoi ce feu? Pourquoi un feu? Pourquoi quelque chose d'indéfini, un article indéfini pour quelque chose de défini? Pourquoi? Ça, c'est le balara. Ça, c'est ilm le balara. La science qui répond à ce pourquoi, c'est le balara. C'est quoi le balara en français? Hein? Non? Asmaj? La rhétorique. Vous savez, le balara, c'est trois sciences. C'est le ma'ani, c'est le bayan, c'est le badi'a. C'est la beauté de l'arabe qui se manifeste. Un autre groupe de gens, à des gens précis, il y a Yuhar Rasul ou Balir Ma'ouzila, il est comme un rabbi, etc. Dans cet appel, l'appel qu'il y a dans ce verset, c'est à ceux qui ont cru. Oh, ceux qui ont cru, le jeûne vous a été siyam. Siyam vous a été écrit comme il a été écrit sur ceux qui ont été avant vous. Et là, il y a une petite chose à comprendre. Croire, il faut quelque chose qui montre qu'ils ont cru en quoi. Le Coran ne dit pas. Oh, ceux qui ont cru, le jeûne a été écrit sur vous. Mais il n'a pas dit ils ont cru en quoi. Et tu ne trouveras personne qui n'a cru en rien. Croire en rien, c'est croire en quelque chose. Donc croire nécessite nécessairement quelque chose. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est la même chose en arabe, ya ayyuhalladhina amanu, Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas amanu bimada, ils ont cru en quoi? Pourquoi ne l'a-t-il pas dit? Est-ce que quelqu'un maintenant d'entre vous, arabe ou français, ou quand tu lui dis tu es croyant, il te pose la question croyant en quoi? Ça coule de source. Est-ce que tu es croyant? C'est-à-dire, est-ce que tu es croyant en Dieu? Tu es croyant au jour dernier? Ou croyant... Ça, c'est ce qu'on appelle. Pourquoi ça n'a pas été dit? Parce que c'est su, parce que c'est connu de tout le monde. Et donc ça vous montre quelque chose dans l'arabe. C'est une chose, c'est une caractéristique à l'arabe de ne pas dire toujours la même chose. Je veux dire, de ne pas dire toujours tout. Mais... quand c'est une chose est sue, une chose est connue, on ne la dit pas puisqu'elle est connue. C'est là, c'est un exemple. Oh, ceux qui ont cru, kutiba alaykum as-siyam. Hadi kataba, hadi tahtamilu ma'anin kathira fi lughati al-arabiyya wa min fi al-Qur'an aydan. Walakin huna kutiba bi ma'na furida. Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam. أي فرض عليكم الصيام. وهنا أنا أريد أن أسألكم سؤالا. عندما تقرؤون قول الله تعالى فرض عليكم الصيام، الصيام، ما هذه الكلمة؟ هل هذه نكرة أو هذه معرفة؟ ها؟ معرفة يا. طيب معرفة، ما معنى المعرفة هنا؟ ما معنى؟ هل رمضان كان مكتوبا عليهم قبل هذه الآية؟ لا. هل كان يجب عليهم أن يصوموا رمضان قبل هذه الآية؟ لا. فلماذا يقول ربنا الصيام بالمعرفة؟ الآن نحن جالسون نتحدث عن رجل معين، وهذا الرجل ليس معنا، وإذا به يدخل، فأقول لكم جاء الرجل أو أقول لكم جاء رجل؟ ماذا أقول؟ ها؟ جاء الرجل. هل إذا قلت لكم جاء رجل أكون صادقا؟ لا. المقصود، لأنه عندما نقول جاء الرجل هو الرجل الذي نعرفه أنا وأنتم. هكذا عندما يقول ربنا كتب عليكم الصيام، يعني صيام يعرفه أولئك المخاطبون، مفهوم؟ وإلا لو لم يكن معروفا لم يقل لهم كتب عليكم الصيام، لقال لهم كتب عليكم صيام، لكنه قال لهم كتب عليكم الصيام لأنهم يعرفونه. وهل كانوا يعرفون الصيام؟ العرب كانوا يعرفون الصيام، نعم نعم كانوا يعرفونه، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عاشوراء يوما تصومه العرب في جاهليتها. إذن كانوا يصومون فيعرفون الصيام، فقال لهم: كتب عليكم الصيام، يعني ذاك الصيام الذي تعرفونه، لكن كتب عليكم الآن، فرض عليكم. أو ceux qui ont cru le صيام a été écrit sur vous. Les Français ne disent pas cette tournure de phrase, cette forme de parler n'existe. Je n'ai jamais entendu parler un Français qui dit il a été écrit sur toi de passer le permis si tu veux conduire une voiture. Tu as déjà entendu ça? Mais parfois, la traduction mène à des styles de langage qui ne sont pas courants, mais que vous pouvez trouver dans les anciennes écritures. Ce qui veut être dit par Kutiba alaykum siyam et que maintenant vous êtes dans l'obligation de faire le jeûne. Vous savez, j'ai dit, vous n'entendez pas un Français dire « il a été écrit sur toi telle ou telle chose », mais vous entendrez toujours maintenant, de nos jours, un Arabe dire « kutiba alayka kada ». Ça, et c'est pour ça que maintenant nous disons que le Coran a été un garant de la langue arabe. Vous savez, Mrou' al-Qais est un poète de la période de Jahiliya. Il n'a même pas lui, c'était à l'époque avant l'islam. Aujourd'hui, si Mrou' al-Qais est ressuscité et qu'il nous adresse la parole, quelqu'un qui a étudié l'arabe le comprendra. Ce n'est pas la même chose en anglais, ce n'est pas la même chose en français. Shakespeare, il était au XVIIe siècle. Si maintenant lui il est ressuscité, il va à Londres, Ils vont galérer pour comprendre ce qu'il va dire. Thou arst, il leur dira Thou arst English. Ouais, c'est quoi Thou arst? Thou arst? Nous savons You are English. Thou, il disait You, c'était Thou. Ar, c'était arst. Arst. Comment arst? Et ar, comment You, Thou devient You. Alors que nous, Ce qu'a dit Mrou' al-Qais, nous le répétons, nous l'apprenons, nous l'expliquons et nous parlons comme parle Mrou' al-Qais. Nous savons même la géographie des endroits desquels il a parlé. Siqtliwa, Dakhoul, Haoumel. Oui, nous savons. Bon, nous savons ce qui reste parce que nous parlons quand même de plusieurs centaines d'années. Nous avons le Coran, c'est pour ça que nous avons gardé cet arabia, cet arabe du Coran, et c'est pour ça que nous pouvons comprendre encore les textes du Coran, du Sunna, etc. Il a été écrit sur vous le jeûne. Vous êtes dans l'obligation de jeûner comme il a été écrit. Allah Ta'ala a dit le jeûne. Le jeûne a été écrit sur vous. Le jeûne. Il parle à qui? Il s'adresse à qui, Allah Ta'ala? À des personnes qui n'était pas dans l'obligation de jeûner. L'obligation de Ramadan est descendue avec ce verset. Avant ce verset, personne n'était tenu de jeûner à Ramadan, alors qu'il connaissait Ramadan. Quelqu'un à qui tu prescris une chose qu'il ne sait pas, tu vas voir un médecin, tu dis j'ai mal, il te dit je te prescris un médicament, ou il te dit je te prescris le médicament. Qu'est-ce qu'il te dit? Hein? Un médicament, parce que c'est un médicament que tu ne connais pas. S'il te dit je te prescris le médicament, on comprendra que c'est un médicament que soit il t'a déjà prescrit. Bon, il y a quelque chose, ce médicament tu le connais, sinon il ne te dirait pas le médicament. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, il a dit, il vous a été écrit sur vous le jeûne, alors qu'il ne jeûnait pas avant le Ramadan. Ceci, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit le jeûne, nous comprenons que il ne leur parle pas de quelque chose qu'ils ne savent pas, mais d'une chose qu'ils connaissent, oulala. En fait, les Arabes, avant même l'islam, connaissaient le jeûne. Al-Bukhari et Muslim, dans leur livre, rapportent que Aïcha radiallahu anha a dit que Ashura était un jour que les Arabes jeûnaient avant l'islam. Donc il savait quelque chose qui s'appelait le jeûne. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit le jeûne, pas un jeûne. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba 'ala alladhina min qablikum. Furida alaykum kama furida 'ala alladhina min qablikum. Man ha'ula'i alladhina kanu min qablina wa furida 'alayhim as-siyam. Man? Hein? Al-kitab. وهل أهل الكتاب هم فقط الأمم التي سبقتنا؟ كل الأمم التي سبقتنا أهل الكتاب، إما يهود وإما نصارى. طيب اليونان ماذا كانوا؟ وقدماء شكون؟ إيش كانوا اليونان؟ سمعت شي حاجة؟ اليونان مسلمون، ما عمرهم كانوا مسلمون، تل دابا باقي ماشي مسلمون. عمرهم كانوا مسلمون، كانوا وثنيين، لم يكونوا نصارى. أنت تعرف أنت أرسطوط وسقراط، هذو ما كانوا نصارى، ما كانوا يهود، ما كانوا. وقدماء المصريين الفراعنة والهكسوس والهنود، هؤلاء كلهم أمم تقدمت. فإذا عندما تقول اليهود والنصارى، لا، الله تعالى يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين. ما هي هذه الذين؟ هذه نسميها نحن في عربية، نسميها اسما موصولا، لكن الذي يعنينا من هذا أنهم يقولون هي من الأسماء المبهمة، يعني كل واحد صالح يدخل فيها. إذا قلت الآن أنا السيد قلت له أعطي الذين في المسجد ماء، سيعطي كل واحد منكم ولا لا؟ هل يمكن أن يترك بعضكم؟ لا، سيعطي كل واحد. هذه الذين دخلتم فيها جميعا. فكذلك قول ربنا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذه الذين دخل فيها كل من كان قبلنا، فقد كتب عليهم الصيام. فإذا الصيام لم يكتب فقط على اليهود والنصارى، بل كان نجده عند قدماء المصريين، نجده عندهم الصيام، نجده عند اليونان، نجده إلى الآن عند الهنود. والهنود الآن ليس أنا لا عن المسلمي الهند، لكن غير المسلمين هم ليسوا بيهودين ولا بنصارى، ونجد عندهم الصوم. لكن هل هو صوم مثل صومنا؟ لا، يعني صوم أنواع، أحيانا تجدون بعض أنواع الصوم عند النصارى خاصة بالنساء، هذا النساء هن من يصومن، الرجال ما لا. أو صوم عن أنواع من الأكل، صوم يعني اللحم، كل خضراء، كل الديسير، شرب الماء، المونادا، ما تأكل شيء اللحم، ما أحسن هذا الصيام، ولا سيما في مثل أيامكم هذه، الناس الآن تشتهي الماء أكثر من اشتهائها للحم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Il vous a été écrit, il a été écrit sur vous le jeûne, comme il a été écrit à ceux qui ont été avant vous. Qui sont ceux qui ont été avant nous? Sur qui le siyam a été écrit? Les gens ont une tendance à répondre que ce sont les gens du livre, les juifs et les chrétiens. Or, ce n'est pas une bonne réponse, parce que l'adhina, par laquelle nous la traduisons par ceux qui ont été, c'est un mot dans lequel entre tout le monde. Pas uniquement les juifs et les chrétiens. Tout le monde, tous ceux qui ont été avant nous, entrent dans ce démonstratif. C'est ce que certifie l'histoire. Quand on étudie l'histoire des civilisations, l'histoire du monde, nous trouvons qu'il y a des jeunes chez des peuples qui ne sont ni juifs ni chrétiens. Les anciens d'Égypte, les Grecs, les Romains, avant qu'ils ne deviennent chrétiens. Les Hindous, les Chinois, nous trouvons dans, et je vous parle même des anciens peuples de ces contrées-là, nous trouvons chez eux le jeûne. Donc il n'y a pas eu de peuple sur lequel le jeûne n'a pas été écrit. والله تعالى يقول لعلكم تتقون، هذا هو القضية. لأنك قد تسأل لماذا؟ لماذا كتب علينا الصيام ولماذا كتب على الذين من قبلنا لعلكم تتقون. رجاء أن تكونوا متقين، هذا يقولون حرف ترجي. تميزون بين الترجي والتمني، تفرقون بينهما. مثلا تقول وددت أن أنجح هذا العام، تتمنى أن تنجح ولا لا؟ طيب، وتقول وددت أن يكون عندي مليار أورو، هذه أيضا تتمنى، لكن الأول نسميه ترجيا والثاني نسميه تمنيا، ما الفرق بينهما؟ قال الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. يرجع عليه الشباب مسكين يقول لي: شتي الشباب المشيب اش دار ليا؟ تكرفس عليا، ضعفيت وتحنيت وما بقى حتى يشوف فيا، ما بقى حتى يقرني. تيحلم هذا يعني. الشباب غادي يرجع. قالوا: عجوز تمنت أن تصير صبية وقد نحل الجنبان وحده دب الظهر فراحت إلى العطار تبغي شبابها، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ ممكن. لما كان تمني ما يستحيل، المتمنى ما يستحيل، هذا يسمونه تمنيا، يعني لا يكون. بحال هذه القضية اللي يكون عندك مليار أورو، في الغالب ما تكونش. ولكن إذا كان الشيء الذي تطلبه ممكن، وددت أن أنجح هذا العام، وددت أن أتزوج امرأة صالحة، هذا يسمى، لا تسميه العرب تمنيا بل تسميه ترجيا. ترجي تؤديه بلعل، هي هذه لعلكم تتقون، يعني رجاء أن يحصل منكم التقوى أو أن تندرجوا في سلك المتقين. وربنا يعني أنت لما تقول لعلني أنجح، ممكن تنجح ممكن ما تنجحش. علاش؟ لأن ممكن ما تراجعش مزيان، ممكن تراجع مزيان ولكن تمتحن في شيء ما عرفته أو نسيته أو ما درستموه، أسباب كثيرة. ولكن الله عز وجل إذا قال لعلكم تتقون، الله تعالى لا يطرأ في حاله في حقه ما يطرأ في حقك. فإذا قال لعلكم تتقون قطعا ستكون من المتقين قطعا. وهذا معنى قول العلماء لعل من الله واجبة. ما معنى واجبة؟ لأن الله تعالى ما يمكنش تجي شي حاجة ما درش ليها الحساب. تقول أنت يا أنا كنت قريت وكل شيء ولكن حطرنا امتحان في هذا الشيء ما كنتش داير حسابه، هذاك أنت. الله سبحانه وتعالى علمه محيط وقدرته واسعة، فإذا قال لك لعلكم تتقون معناتها غادي يحصل التقوى. طيب هنا السؤال: أيحصل منكم الصوم؟ يحصل منا الصوم ولا يجيء به التقوى، ما معنى هذا؟ معنى التخلف في الآية كين، تخلف الترجي في الآية. ألسنا نرى الصائمين؟ احنا تنشوفوهم كل شيء مقتول، هل الكساد. ولكن هل كل من صام سار متقيا؟ كل من صام سار من المتقين؟ لا. إذن كيفاش الله سبحانه وتعالى يرتب التقوى على الصيام؟ تقول لك إذا صمتي راك تكون من المتقين، فكيف يتخلف هذا فينا؟ ألأن الآية تخلفت؟ ما يمكنش، الآية كلام الله. فما الذي تخلف؟ الصيام. الصيام هذا النوع من صيامي وصيامك لا يترتب على مثله التقوى. صيامنا فيه المشاكل، صيامنا فيه المشاكل. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. لمن يقول إني صائم؟ لمن؟ جدبز معك واحد تريد أن تطبق هذا الحديث، تقول إني صائم تريد أن تطبقه، ستقولها لمن؟ ها؟ لهذاك اللي تيدبز معك، وهذاك اللي هذاك إلا غادي تمنعو غادي يحبسو قولك إني صائم، راه ما غدبش معك من الأول، ما غيعايركش من الأول. علاش؟ لأنه راه عارفك إنك صائم، راه كاع الناس صايمين على غير أنت. إذن ما معناه؟ هو لم يزعه شيء، لم يكفه شيء، تقول إني صائم إني صائم، غادي يزيد غير يسبك. لما تقول إني صائم إني صائم تاع لأنه جاهل عليك فتريد أن تجهل عليه بأكثر مما جهل عليك وستنطلق إلى الجهالة. عند انطلاقك إلى الجهالة تقول لنفسك أفلان إني صائم لنفسك وإلى من فعلت الكلمة الأولى المرة الأولى تقول هذه المرة الثانية إني صائم أفلان راك صائم عندك تخسر صيامك تقولها لراسك ماشي تقولها ليه تقولها أنت إني صائم يا عبد الله أنت يا فلان إني صائم خليه جاوبوش إني صائم. هذه أنواع الصيام التي يترتب عليها التقوى. Le jeûne, le صيام a été écrit sur vous comme il a été écrit à ceux qui ont été avant vous afin que vous soyez parmi les pieux. Afin que ça ne concorde pas totalement avec la'allakum. Pourquoi ? Parce que quand on dit la'allakum, je vous ai dit qu'on parle d'espérance. Maintenant, même l'espérance, tu dis, j'espère que telle chose arrive. Pour une chose qui serait très, très, très difficile, même, voire impossible, que ça arrive. Tu dis, il y a un vieillard qui a dit, j'espère que la jeunesse revient. Qu'elle revienne. C'est une chose impossible. Même ceux qui ont été avant nous, qui ont essayé de fabriquer des élixirs de jeunesse. C'est la fiction. Est-ce que ça s'est passé dans le monde? Quelqu'un qui a bu un élixir, qui avait 80 ans, il est retombé dans la jeunesse. Qu'est-ce que c'est? Hein? Ça existe. Film, Hollywood. Ayoub, ce n'est pas un élixir. Là, je parle d'élixir. Ayoub, c'est uniquement Ayoub. Et ce n'est pas la jeunesse. C'est la maladie qui l'a rendu vieux. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a enlevé la maladie et qui lui a ordonné de taper de son pied par terre l'eau jaillissait, qu'il buvait, qu'il se lavait avec, et puis sa femme, sa propre femme, ne l'a pas reconnu. Mais ça, c'est Ayoub alayhi salam. Donc vous dites j'espère. Nous en arabe, nous avons deux formes de dire. Quand on parle de choses difficilement réalisables ou impossibles à réaliser, nous parlons de tamanni. Quand on parle d'une chose qui est réalisable, nous disons tarji. Ces deux mots sont traduits par l'espérance. Vous voyez ? Et donc, ce n'est pas très judicieux. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala ici parle de la'alla, de l'espérance réalisable et non pas de l'irréalisable ou du difficilement réalisable. La'alla. Qu'est-ce qui est réalisable ? Que vous soyez muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que quelqu'un qui jeûne, la conséquence de son jeûne, de son siyam, est qu'il soit muttaqin. C'est un effet, cause à effet. C'est, disons, conséquence à effet. Tu jeûnes, normalement, tu dois devenir muttaqin. C'est ça ce que nous montre le verset, ce que nous enseigne le verset, c'est cette réalité. Tu jeûnes, normalement tu devrais être muttaqi. J'ai posé la question, est-ce que tout jeûneur est un muttaqi? J'ai posé cette question. Toute personne qui jeûne devient muttaqi. Vous me dites non, et je suis d'accord avec vous. Je dis aussi non, pas tout jeûneur devient muttaqi. Là, il y a un problème. Il y a un problème. Maintenant, situez le problème. Le problème, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a dit que, pas textuellement, mais c'est le sens du verset. Tu jeûnes, tu deviens muttaqi. C'est l'essence même, c'est le but, c'est pourquoi le jeûne a été prescrit. il a été écrit sur nous, ainsi qu'il a été écrit sur ceux avant nous, pour que nous soyons muttaqin. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala dit que quelque chose mène vers quelque chose, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit. Donc, mais malheureusement, nous voyons que cette chose-là ne mène pas vers ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'elle devrait mener. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons deux façons de voir la chose. Il n'y a pas de troisième. Soit que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit vrai dans ce verset. Parce que c'est ce que nous voyons. Nous ne pouvons quand même pas prétendre ne pas voir ce que nous voyons. Je jeûne, mais malheureusement, tout ce que je faisais qui n'était pas de l'affaire des muttaqin, je le fais toujours. Ce n'est pas ça l'affaire des muttaqin. Et je ne suis pas unique dans cette situation. C'est malheureusement l'unique, c'est avec l'autre. C'est celui qui jeûne et qui devient muttaqin. Ada ou à l'exception. Or, c'est ça la règle. Alors, soit nous disons, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit vrai dans ce verset. Et je ne pense pas qu'il y ait un musulman sur la terre ou là sur la lune qui peut dire, qui peut affirmer cette affirmation. Je ne pense pas qu'il puisse exister. Un musulman qui peut dire, qui peut avoir l'audace de dire, là, Allah n'a pas dit vrai. Ça, un musulman ne peut pas dire. Et ouais, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a dit vrai, où est le problème? Le problème est dans le jeûne, dans le siyam. Ce n'est pas un siyam qui a comme effet d'entraînement d'amener le jeûneur vers le taqwa. Ça, c'est un problème. C'est un grand problème. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qu'il y avait beaucoup de jeûneurs qui n'avaient de leur jeûne que cette sensation de faim et de soif. Tu as faim, tu as soif. C'est ton jeûne. Ton jeûne se limite à ça. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rétribution, il n'y a pas de ajr dans ce jeûne. Il n'y a que la soif et que la faim. Ça, c'est un jeûne, certainement pas, qui va impliquer le taqwa. Certainement pas. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith, rapporté par le musulman, que quand c'est le jour du jeûne de l'un d'entre vous, qu'il ne fasse pas le fouhsh, qu'il ne fasse pas le sahab. Fouhsh, c'est les paroles qui ont une connotation sexuelle. Et sahab, c'est toute parole qui va du vulgaire, qui va de la dispute, qui va... Quand c'est le jour du jeûne de l'un d'entre vous, qu'il ne fasse ni ça ni ça, de parole, même pas d'acte, de parole. Et si quelqu'un vient lui chercher querelle, veut se bagarrer avec lui ou veut même le combattre, qu'il dise Inni sa'im, je suis sa'im. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit qu'ils disent à qui. Les gens, même il y a des ulama qui ont expliqué ce hadith, qu'ils disent à celui qui veut l'insulter ou à celui qui veut le combattre, qu'ils lui disent à lui, je suis sa'im. Moi, je ne comprends pas cette explication. À quoi ça sert de dire à quelqu'un qui sait que tout le monde est sa'im, que lui-même est sa'im, et qui vient te chercher querelle, tu dis « Inni sa'im » et tu penses que ça va le bloquer, que ça va l'arrêter, que ça va le stopper de ce qu'il est en train de faire. Lui-même, il est sa'im. Ça ne l'a pas empêché de faire. Alors comment ça, le jeûne d'autrui l'empêcherait de faire? Mais il y a une autre explication de ce hadith que je trouve plus judicieuse. Qu'il dise hein, « Je suis sa'im », qu'il se le dise à lui-même. Pas à l'autre, mais à lui-même. Pourquoi? Normalement, la réaction du commun, quand quelqu'un vient t'insulter, tu l'insultes. C'est la réaction de la plupart des gens. Surtout si tu n'as rien fait qui mérite que tu sois insulté. Si il te frappe, ça c'est la réaction des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas que tu aies cette réaction. Et qu'est-ce qui t'en empêcherait d'avoir cette réaction? que beaucoup s'y qualifieraient de légitime. Qu'est-ce qui t'en empêcherait? Que tu te dises à toi-même, tu es Saïm. Si, je suis Saïm. Et quelqu'un qui est Saïm ne doit pas faire des insultes, ne doit pas se querer, ne doit pas. Tu te le dis à toi-même pour préserver, pour sauvegarder ce siyam. C'est ce siyam-là qui, normalement, implique le taqwa. Ouais, le taqwa. Ah, le taqwa. Il me semble bien le هذا التقوى احنا نتساءل عندنا سؤال كيف يكون الصوم موصلا الى التقوى كيف ما علاقة الصوم بالتقوى قالوا الان شوف الناس تشتكي من هذا الحر انا كدت لا اتي عندما أخبرني السيد يعني صاحبي الذي ينسق البرنامج ديالي نظرت في قال لي أن الحر في فرنسا حارة قلت لا أتي أعتذر وننتظر إلى أن يبرد الجو إن شاء الله وجه. فقال أصر فقلت طيبتي وجئتكم وأنا فزع لأنه جئت الجو الحمد لله زوين في الرباط 27 26 جيل 37 شي واحد بعقله تيدير هذه الخدمة 40 يكذبوا علينا يقولوا مع أن قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعقلون مرة يحدثني رجل من أهل عمان لقيته في قطار مرة في المغرب فبدأ يحدثني قال كنت أذكر لي قصة عجيبة عجيبة تدل على أن بعض الناس يستحضر دائما معاني ينفعه استحضارها كان في عمان في فندق معها رجل أمريكي وفجأة في الفندق يعني هذا انطلقت صفارة الحريق لعل حريق اشتعل في موضع من موضع الفندق فالأمريكي هذا فزع ومعه صاحب هذا العماني فزع وأراد أن يهرب قال لي العماني فقلت له هناك نار أكبر من هذه أنت لا علم لك بها وستحتاج أن تهرب منها أنت الآن فأفزعتك هذه النار ما زال ما شفتها يحدثت عنها وفزعت هناك نار There is a fire more big bigger than this one معنى حاضر الآن الناس تشتكي من الحر لكن هل تذكر الناس بهذا الحر حر جهنم هذا هو القضية كان الأولون مرة جاء إنسان كان أمير من الأمراء نصب خيمته ليتغدى فالناس في عادتها لا تحب أن تأكل منفردة شوف شي واحد دايز دعوه لأن يشاركه الأكل فخرج فلقي أعرابيا فقال أجيب الأمير فأتى فقال يا أعرابي تغدى معي قال إني صائم وكان اليوم يوما شديد الحر فقال ويحك تصوم في مثل هذا اليوم ومشي نفل تصوم في مثل هذا الحر في مثل هذا اليوم الحار فقاله الأعرابي إنما أصومه لأجل يوم أشد منه حرارة هذاك شهر صايم باش يبرد الله علي ذاك النهار اللي هو أحر من هذا فهي معاني ما عرفت حنا كاع منين خرجنا لهادشي علاش بدينا نتكلموا على هادشي الصيام إيه. كيف يوصل الصيام إلى التقوى كيف يكون الصيام سببا في التقوى الآن هذا الحر أنت مع العصر صافي سليكي هذا من العصر للمغرب كتكملوا شوف باش أما تقاديتي في الساعة في العصر تقاديتي وإحنا اللي ممالفينش في الظهر تقادينا. إنسان بعث لي بواحد الصورة فيها واحد الكاس ديال الماء بارد، تعرفوا لو تيكون بارد تيكون من الدي فيه الندى، وكتب لي نعتذر لقساوتي المشهد. طيب أنت الآن عندما تقف في مثل هذا الجو أمام ماء مترقرق مترقرق بارد منعش أحب إليك من كل محبوب، ما الذي يمنعك وأنت في خلوة لا يراك أحد ولا يطلع عليك أحد؟ ما الذي يمنعك من أن تمد يده إليك وتطفئ ظماءك؟ تقدر تشرب تشبع وتتلقى مع الناس وتقول لهم سخفنا ولا لا، تقدر تديرها، لكن ما الذي يمنعك وليس يراك أحد؟ أنك تعرف أن الله تعالى تيشوف، وهو غادي يعرف، وهو ما غيعجبوش الحال، وهو غادي يغضب. فهذا الذي يمنعك من أن تمد يدك، شوف خصك دير ياك لا تفعل. هذه المراقبة تستمر معك، أي زوجتك ديزا قدامك وأنت صايم، ما الذي يمنعك منها؟ الله تعالى. فما الذي يمنعك مما أحل الله لك في هذا اليوم؟ أحل الله لك هذا الشيء على اليوم، ولكن قال لك هذا النهار ما تقربش، ما تقربش. هذه المراقبة تستمر معك طيلة الشهر. لما إذا صارم الشهر هذه المراقبة لا تنصرم، تبقى ولا تذهب معه. فمن ألف هذه المراقبة لا يستطيع أن يأكل مالا بالباطل، لأنه بحال الماء خصو يدير لي غير هكا وياخذو، كذلك هذاك الفلوس يدير لهم غير هكا وياخذهم، ولكن الله لا يفعل. علاش؟ لأنه الذي كان يراقبه في الصوم هو يراقبه أيضا في المال، ويراقبه في الصلاة، ويراقبه في الزكاة، ويراقبه في كذا، ويراقبه في كذا، فيحصل له التقوى ويكون من المتقين. والتقوى إذا حصل لك وإذا كنت فيه، هذا التقوى شيء عظيم. التقوى هو وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله، وصية الله للأولين والآخرين. Afin que vous soyez des pieux, si vous êtes des pieux, si vous atteignez cet ensemble de pieux. Vous avez atteint une chose que Allah subhanahu wa ta'ala a conseillé au premier ou au dernier. Et nous avons conseillé ceux qui ont été avant vous. Ainsi qu'à vous aussi, nous avons donné ce conseil. Que soyez d'être pieux envers Allah ta'ala. C'est un conseil que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à toute la création. Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous soyons tous pieux. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala en tire un grand bénéfice. C'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun bénéfice à tirer de qui que ce soit, de la piété de qui que ce soit. Que nous soyons les pires fourbes de la création, que nous soyons les meilleurs pieux de la création, Allah subhanahu wa ta'ala ne tire ni d'avantage ni de désavantage. Tu veux être pieux, c'est pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala veut que tu sois pieux pour toi. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, dit وَاتَّقُوا اللَّهُ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Soyez pieux envers Allah et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala est avec les pieux. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala aime les pieux. Allah ta'ala yaqul إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Allah ta'ala accepte uniquement le travail et les œuvres des pieux, uniquement. Et c'est pour ça que Ali radiallahu anhu a dit un jour, soyez anxieux, soyez inquiet, soyez كيف تترجمون ها؟ لا اهتموا soyez soucieux, soyez préoccupés de l'acceptance par Allah de votre œuvre, plus que vous ne vous préoccupiez de l'action elle-même. Pourquoi ? Il dit, lui, parce que j'ai entendu Allah subhanahu wa ta'ala dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que de la part des pieux. Donc tu sois préoccupé que ton travail soit accepté. Ça, c'est ça la véritable préoccupation. Sinon même tu peux faire le travail, tu peux faire l'action, tu n'es pas pieux, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas. Donc le véritable souci, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Ce n'est pas le fait que tu fasses. Combien de gens font ? Mais combien parmi ceux qui font ont eu cet honneur qu'ils soient acceptés auprès d'Allah Ta'ala, que leurs œuvres soient acceptées. Nous, Allah Ta'ala, an nakuna kadhalika, an nakuna min muttaqin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. جميع رات انا يعني وسي سعيد يقول سي مصطفى السعيد اي راس سعيد زعما سعيد يقول ان نرتاح ان نرتاح جميعا انا يعني انت تشوف الناس مساكن وتي يبقى في يدي والله تنحس بكم ولكن المشقة على قدر النصب الأجر على قدر النصب إن شاء الله نسيته شكرا طيب. جزاكم الله خيرا جزا الله خيرا جزيلا الشيخ الفاضل الشيخ سعيد الكمالي إن شاء الله نضرب لكم موعدا على أبعد تقدير غدا بعد العصر فحسب إن شاء الله يمكن ربما يكون معنا اليوم في التراويح سنرى ذلك إن شاء الله بعد مع الشيخ لكن غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر مباشرة سيلقي إن شاء الله الشيخ الدرس الثاني بارك الله فيكم وأجارني وإياكم من النار وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته